mwen pa santi ou la doudou. Mwen chèche ou an kay la, mwen wè ou pa te la. Gade an chanm Yannick la, I te la ka domi. Gade de wò la, mwen wè ou pa te la. Couché bòt lan mè a, jive ou ka trompe an lò a. Ou la ka reflechi, pardon, pardon. Pardonne moi, moi pas les pétou, pour un bon temps. Tous les jours m'en capérer, tous les jours m'en capérer, jusqu'à ce que t'es au cœur allé, avant mon songeur, mon cassé vite chez moi, mon café mes points noirs. Ni pas réaliser, ça vraiment pas sérieux. Doudou, c'est toujours où moi aimé. Où je laisse faire moi tout ça, où je laisse faire mes yeux moins. Faut à la moignée assez, ou exagérer. Commander pardon, les compréhensions. Assez, c'est toujours même chanson. Ou commander pardon. Pas réalisé, ça vraiment pas sérieux. Souffrance ou en dirait, moins qu'à regretter, moins qu'à mander au pardon. Oh, dis moi compréhension. Doudou, essayez pas en donner moins. Ou qu'à parler très bien, ou qu'à couillonner moins. Est-ce qu'on peut pas respecter moins? Fois la moins qu'à parler, et puis tout fond chez moi. Tout doux, c'est toujours où moi aimé. Moi l'ai vraiment espéré, qui nous qu'est parlé, en toute sincérité. Moi qui est toujours aimé, doudou, doudou. L'amour c'est accepter, donner, pardonner. L'amour toujours plus grand, moins que toujours aimer.